France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Dans la vie, monsieur est un schpunz, mais à l'écran. Sans doute était-ce l'inverse, un schpunz à l'écran, mais pas un schpunz dans la vie. Le music-hall, de ses débuts à Marseille, chanteur et comique troupier, le cinéma ensuite, avec Sacha Guitry, Jean Renoir, Marcel Pagnol. Bien sûr, vous l'avez identifié, c'est Fernandel, héros des Mardis du cinéma, diffusé pour la première fois sur France Culture le 19 mars 1991, une émission de Christine Goémé, réalisée par Claude Giovannetti. Vous saurez donc tout sur le comédien de films comiques ou non comiques, et même le comédien qui aurait pu, vous l'entendrez, tourner dans une adaptation par Georges Bataille des 120 journées de Sodome, de Sade. Mais là n'est pas l'essentiel, on s'en doute, de la carrière réelle ou virtuelle de Fernandel. Alors sérieusement, vous songez à faire du cinéma? Monsieur, c'est-à-dire que non seulement j'y songe, mais j'en rêve, j'en suis malade, j'en crève. Le cinéma, monsieur, mais c'est ma passion, c'est ma folie. Pour jouer même un petit rôle, je ferais n'importe quoi, je le jouerais même gratuitement. Le premier, bien entendu. Mes enfants, j'ai une idée. Et je m'étonne qu'aucun de vous ne l'ait eu avant moi. Quelle idée? Mais le schpunz. Le schpunz. C'est lui. Bien sûr. Mais qu'est-ce que c'est que le schpunz? Le schpunz, monsieur. Le schpunz, c'est un rôle extraordinaire dans un film extraordinaire. Depuis 5 ans, on n'a trouvé aucun artiste pouvant l'incarner. Aucun. Ah, aucun. On a essayé toutes les plus grandes vedettes. Toutes. Tous les plus grands noms de l'écran, aucun n'a pu l'incarner. C'est Greta Garbo en homme. Vous vous rendez compte? Monsieur, vous m'effrayez un peu. Oui, il ne faut pas s'emballer. Moi, il me semble que dans la vie, monsieur est un schpunz, mais à l'écran... Il serait encore beaucoup plus schpunz. Oh, ça, c'est à voir. Ça, mes enfants, moi, je donne mon avis, n'est-ce pas? Ça, il est bien évident que ce serait subordonné à des essais. Ben, enfin, on peut se tromper, moi. Ah oui, mais alors, ces essais qui sont la base de tout, quand les fait-on? Ah, moi, je peux tout de suite faire un essai de son, si vous voulez. Est-ce que vous savez quelque chose par cœur? Un poème? Une chanson? Oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson. Ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant. Ah, mais c'est qu'il est très intéressant. Mais laisse-le donc parler. Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gay, ça. Non, c'est pas gay, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est vrai? Oui, absolument. Eh bien alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Hein? Bravo. Oh, ça c'est inouï alors. La pitié. La pitié. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. C'est beau. Oh, émouvant. Interrogatif et affirmatif. Affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. N'est-ce pas? Oh, très bien. Ah, ça c'est bien. Et c'est vraiment pas pensif. Pensif. Tout condamné à mort tranché. Oh, ne tuez pas l'expression. Gardez l'expression. Elle ne bougeait plus. Voilà. Comique. Tout condamné à mort. Oh, qu'est-ce tranché. Oh, Il s'appelle Albert, Honorin, Patard, Ignace, Barnabé ou Modeste, Marcel, Felipe, Hector, Auguste, Alfred, Noël, Casimir, Topaz et Adhémar, dont Camillo, Félicien, Célestin, Alibaba, Sganarel, Crésus et même Dieu. Fernandel, ou les noms de l'acteur, par Christine Goémé. Moi, je dirais qu'il a commencé avant sa naissance dans le ventre de sa mère. Jacques Lorsay. Parce que sa maman était enceinte, alors que, et je crois très proche de l'accouchement, alors qu'elle a joué la dame en colère du commissaire et bon enfant de Courteline. Mais son père, surtout, était un fanatique de music-hall, de théâtre, de chansons. Et on a peu de renseignements sur son père, mais ça, on le sait d'une façon absolue. Il regrettait de ne pas avoir pu faire une carrière professionnelle. Et il était fanatique de tout cela. Et très, très vite, très tôt, dès que l'enfant a pu marcher, ou même dès qu'il a été conscient, il a entendu son père répéter des chansons, répéter des scènes, des sketchs. Il a été emmené dans les coulisses des théâtres. Et il a participé très tôt à des spectacles, comme déjà petit figurant, et puis chanteur, parce qu'il s'est mis tout de suite à vouloir faire comme papa, à vouloir apprendre lui aussi des chansons. Et l'idole était à ce moment-là le comique troupier Paulin, qui chantait des chansons de Tourlourou avec le costume bleu et rouge de nos Tourlourou de fin du 19e siècle. Et c'était pour Fernand le dieu à imiter autant que possible. Et c'est toute sa vie, toute sa carrière d'acteur est partie de Paulin, si vous voulez. Alors le premier grand succès, c'est à 7 ans, Mademoiselle Rose, non? Oui, grand succès, c'est peut-être un grand mot, mais c'était un succès marseillais, local. Oui, c'était pas sans importance. Il a participé à des concours, parce que c'est une époque aussi qui est un peu oubliée maintenant, mais où il y avait des croches, ce qu'on appelait des crochets quand la radio est arrivée, crochet, les oui. radios crochets, mais avant la radio, parce qu'ils étaient avant la radio, il y avait beaucoup de concours publics, et aussi bien pour les enfants, justement, avec des prix, et il a été lauréat très vite, avec justement, je crois, une des chansons de Paulin, probablement Mademoiselle Rose, oui. Il a eu un premier ou un second prix, il était tout fier, évidemment. Il avait formidable. Quel âge? Oh, il devait avoir moins de 10 ans, je crois, à ce moment-là. Alors j'ai marchandé une broche, une montre en or et d'autres bijoux. Seulement en fouillant dans mes poches, je n'ai trouvé que 28 sous. Mais vous ne perdrez rien, j'ai trouvé le moyen de vous offrir quelque chose de bien. Oh, Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet, un joli bonheur. Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Ah, dit-elle, je suis anxieuse d'admirer votre petit objet. Oh, je lui fais, vous êtes trop curieuse, faudra deviner ce que c'est. Elle me dit, c'est-y une robe claire, un corset ou bien un pépin? Je lui réponds, non, c'est une affaire qui peut tenir dans le creux de la main. C'est fin, c'est gentil, coquet, arrondi, ni trop grand, ni trop petit. Ah, Mademoiselle Rose, j'ai un petit objet à vous offrir. Ah, c'est quelque chose qui vous fera plaisir. Mais alors, bon, finalement, il a toujours voulu être acteur. Enfin, ça a toujours été ça, son désir. Oui, je crois que le problème de la vocation, si vous voulez, est peut-être un petit peu plus imprécis que cela. Il ne s'est pas dit à 10 ans, je ferai ça, mais enfin, il n'y avait que cela qui l'intéressait. Alors, il ne pensait pas peut-être tout de suite à gagner sa vie, mais chanson et encore chanson. Et puis, il a fallu, le père est parti pour la guerre de 14. Lui était né en 1903, donc il avait 11 ans. Et comme il n'était pas bon élève, la maman s'est dit, écoute, si tu pouvais me rapporter un petit peu d'argent avec tes frères et sœurs, ça nous permettrait de vivre. Alors on a essayé de le placer dans différents emplois, et il occupera comme cela pendant une dizaine d'années, 14 emplois différents. Ce qui est dire quand même qu'aucun ne lui a vraiment plu. D'ailleurs, il se faisait renvoyer à peu près partout, non ? Oui, absolument. Il se faisait renvoyer pour indiscipline ou parce que, justement, quelquefois, il prenait un petit congé pour aller chanter en banlieue marseillaise, et que c'était pas prévu et que le patron n'avait pas donné son accord. Ou qu'au contraire, on le surprenait justement sur une scène, ce qui était contraire à la dignité des banques, parce qu'il a souvent travaillé dans des banques, d'abord comme chasseur, puis comme employé aux écritures, car il avait une très belle écriture. Et les patrons lui disaient, dites-donc, c'est incompatible avec la dignité de l'établissement. Alors il disait, bon, ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Et il avait tout de suite, d'ailleurs il l'a dit, et c'était vrai je crois, il a tout de suite eu une très grande gueule. C'était pas un caractère facile, c'était un comique. Il avait un visage drôle, il faisait rire facilement, mais il n'aimait pas qu'on l'embête. Il le disait très rapidement, c'était vraiment le Marseillais. C'était un homme autoritaire. Oui, absolument, grande autorité, ce qui lui a d'ailleurs beaucoup servi au théâtre et au cinéma. Grande autorité. Et quand il était en position de force plus tard dans sa carrière, il obtenait tout ce qu'il voulait. Mais à ses débuts, il a eu beaucoup de déboires à cause de ça, justement. 73 kilos. 73 kilos. J'ai augmenté de 300 grammes. À Courbet-les-Chines, il y avait le pharmacien, là-bas, vous mettez une pièce, vous savez. Là, vous ça va, ça va. Non, je dis ça. Et parce que tout seul, ça ne se passait pas. Vous allez voir, monsieur. Poitrine, 85. Poitrine, 85. Tenez pas cela. Il est brutal. Un peu maigre. Naguère de poitrine pour sa taille. C'est ma sœur qui a tout pris. Idiot. Ah bon? Allez, prenez-lui son souffle. Souffle? Oui, oui. Souffle. Souffle. Tenez, faut souffler la dame. Hein? Vous ne regardez pas comme ça, hein? Dites donc, hein? Si vous me regardez, alors c'est fini. Comment? C'est fini? Ben c'est fini, c'est fini. C'est fini, je commence. C'est fini. Je commence. En 1921, il a donc 17 ans, Fernand Contandin retrouve son ami d'enfance, Jean Mance, l'homme qui écrira bon nombre des plus grands succès de Fernandel, Ignace par exemple. Jean Mance a une sœur, Henriette, qui se fiance avec Fernand. Fernand qui cherche un pseudonyme et avec son accent marseillais, la mère de la jeune fille s'écrie en voyant arriver l'amoureux de sa fille. « T'es, voilà le Fernandel !» D'E2LE bien sûr. Et voilà l'origine du célèbre pseudonyme. Il a commencé à gagner un peu d'argent en tant que chanteur, mais évidemment ça ne suffisait pas surtout pour entretenir un ménage dans la mesure où il avait l'intention de se marier. Alors, il a tout de même continué, il a épousé Henriette, je crois que c'était en 1925, et il a continué à travailler dans une banque, mais tout en étant tous les week-ends et pour des mariages et à plusieurs reprises dans la semaine, tout en étant acteur ou surtout chanteur amateur en échange d'un petit cachet. Et puis la grande chance de sa vie a été que c'était une époque où les cinémas de quartier. C'était à l'époque encore du cinéma muet. À l'entracte, il y avait des attractions dans les cinémas. Et très souvent, justement, ces attractions étaient des chanteurs, des jongleurs, des équilibristes. Les chanteurs faisaient des circuits comme ça. Ils faisaient toutes les salles du même circuit. Il y avait le circuit Pathé, le circuit Gaumont. Et on signait un contrat pour aller dans toutes les villes de France, dans les cinémas Pathé, dans les cinémas Gaumont, etc. Et un jour, le chanteur qui devait faire ce circuit est tombé malade. Et le directeur avait entendu Fernandel dans un petit bal la semaine d'avant, et il lui a téléphoné. Il lui a dit, écoute, je sais que le public a du plaisir à t'entendre, tu as un certain succès, tu as un répertoire, est-ce que tu serais libre pour remplacer un tel qui est défaillant? Ah, dit Fernandel, oui, moi j'aimerais bien, mais je suis employé de banque, est-ce que je peux... Je vais demander au patron, je vais demander au directeur. Alors il a demandé à son directeur, et il est tombé sur un directeur qui a refusé. Alors il dit, bien à ce moment-là, puisque c'est ça, je m'en vais. Il a quitté carrément son emploi, il a accepté de faire donc ce petit circuit de cinéma, et ça a eu un tel succès, il a eu un tel impact, qu'immédiatement il a signé un contrat justement pour un ensemble de villes du Midi, et il est devenu professionnel, il a franchi le Rubicon à ce moment-là, les contrats se sont venus les uns après les autres, et il faut bien dire que tout le début de la carrière de Fernandel, professionnel, se situe entre 1925 et 1930, et c'est un début de carrière en tant que chanteur populaire, chanteur comique, et essentiellement dans des salles de cinéma, dans des music-halls, mais surtout dans des salles de cinéma à l'entracte. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait entendre de lui à cette époque? Qu'est-ce qu'il chantait? C'était essentiellement un répertoire venu de Paulin et des comiques troupiers. Donc toujours un petit peu la grosse gaudriole, Mademoiselle Rose, la caissière du Grand Café, enfin, toutes ces choses qui ont laissé un petit nom dans l'histoire de la chanson. Et puis, quelques chansons nouvelles que lui écrivait Jean Mance, précisément. Jean Mance a commencé à écrire des chansons pour Fernandelle. Donc son beau-frère. Son beau-frère. Et ça ne marchait pas mal. Il a développé son répertoire. Et il a été appelé. Il s'est fait connaître beaucoup dans le Midi. Et il a été appelé à Paris. On a dit, tiens, il y a toujours pareil, par relation, par des gens qui voyageaient, qu'on dit, tiens, on vient d'entendre un chanteur comique, là, qui a un beau succès. Vous devriez l'essayer à Paris. On l'a appelé à Paris. Il a signé un contrat pour le concert Mayol, et où il y avait beaucoup d'attractions. Donc il chantait, il interprétait des sketchs comiques. C'était déjà Varna qui était à Mayol? Ah non, c'était pas Varna à ce moment-là, je crois pas. Mais Varna, il me semble, l'a engagé un petit peu plus tard. Il y a eu le Casino de Paris, et puis il y a eu aussi Bobino. Je me demande si c'était pas Bobino. Et ce qu'il a même raconté, c'est que la première fois où il est passé à Bobino, pas aux Folies, mais à Bobino, il était très peu connu, et il était tout à fait en bas de l'affiche, et le régisseur lui a dit, bon, alors toi, attention, hein, tu as combien de chansons? Tu en as quatre? Bon, alors dès que la quatrième est finie, hein, au revoir, tu salues, et puis pas de rappel, rien du tout. Ah bon, pas de rappel, rien? Il n'était pas content, évidemment, lui, alors qu'il était habitué déjà à des triomphes dans le Midi. Il passe donc le moment venu, il a 25 rappels, et évidemment, il revient pas. Et alors le régisseur le prend par le collet, il lui dit « Mais alors, tu vas retourner, espèce de fou, tu entends bien qu'on te... Ah, vous m'avez interdit de revenir, alors je reviens pas !» Et puis finalement, il est revenu, naturellement, ça a été... Ça a il était hargneux, là. Ah ben, il se défendait, oui, ça a toujours été son caractère, il fallait pas... Il était ce que Gabin a reconnu en lui, parce que Gabin l'a connu très jeune aussi, et Gabin disait que c'était un homme droit, c'est-à-dire que quand il avait promis, quand il avait dit quelque chose, il ne revenait jamais en arrière, en bien ou en mal, hein. Bon, alors il savait où il allait, il avait pris une décision, et il revenait extrêmement rarement sur cette décision. Ah oui, il y avait une certaine rudesse quand même dans ce caractère. Oui, parce que... Mais ça l'a aidé beaucoup, enfin. Ça l'a aidé beaucoup, ça faisait son personnage, et en même temps, comme il avait un charme indéniable, moi je vous assure, quand j'ai pu, en dehors de toute espèce d'admiration que je pouvais avoir pour lui, qui était là bien sûr, mais ça se situait tout de même... Je n'avais plus 4 ans à ce moment-là, quand je l'ai interviewé pour la première fois, c'était en 68. Eh bien, il était face à face avec moi, comme nous le sommes ensemble. C'est extraordinaire, le charme qui émanait de cet homme quand il racontait sa vie, quand il parlait de Sacha Guitry, ou sous toute espèce de sujet. Enfin, j'avais l'impression qu'il me faisait un numéro pour moi tout seul, un numéro de charme, un numéro... Et sans rien faire de spécial, il parlait simplement. Il avait une grande faconde, il avait une grande facilité de parole. Et il était... où on le détestait, Fernandel, où on était sous le charme, il n'y avait pas de problème. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent, Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles, Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche, Félicie aussi. C'est de la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie aussi. Je m'offris une gibelotte, elle empaumait l'échalote, Félicie aussi. Une poire et des gaufrettes, selon la poire et des plettes, Félicie aussi. L'arme en lui tournant la tête, elle murmura, quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie, on sait. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guibolles. Félicie, aussi. Raymond Chira. Il faut bien dire quand même qu'il avait cette dégaine, disons, assez extraordinaire, cette longue figure chevaline, ce large sourire. Il l'a toujours su utiliser. Et en même temps, il répandait l'euphorie dans la salle. Et je me rappelle qu'on lui avait demandé une fois s'il avait le trac. Et il a dit absolument pas. J'avais appris à me tenir sur scène et j'étais comme un poisson dans l'eau sur une scène. Et vous savez, ça se sent, ça. On sent que l'acteur n'est pas coincé. Il était là, véritablement dans son atmosphère. Et vous savez, il y a des courants qui s'établissent de la salle à la scène très très facilement. Et c'est pour ça qu'il était adopté tout de suite par le public. C'est ce qu'on appelle au fond la présence. Quoi. Oui, la présence. Il avait la présence. Et il a eu la chance également, alors au point de vue cinématographique, d'être remarqué justement à ce fameux concert Mayol par Marc Allégret, qui se préparait à tourner Le Blanc et le Noir, la pièce de Sacha Guitry. Et il y avait un petit rôle. Pour lui, un petit rôle. Quasiment muet. Il avait une courte scène. Et Marc Allégret en a parlé à Guitry, qui a augmenté, paraît-il, un petit peu son texte en fonction de la personnalité de ce garçon qui n'avait que 26 ans à l'époque. Et Le Blanc et le Noir a fait démarrer sa carrière cinématographique. Alors il a été tout à fait sidéré parce que le cinéma pour lui c'était quelque chose d'extraordinaire et je crois que il n'aurait pas osé penser au cinéma déjà. Et il a été reçu chez Guitry, qu'il a reçu avec les effets habituels dans son hôtel particulier d'avenue Élysée-Reclus et qui lui a dit voilà, je n'aimais pas le cinéma jusqu'à ce jour, ce qui est vrai parce que Guitry était un homme de langage et le cinéma muet ne l'intéressait que comme document. Mais pas du tout pour faire du théâtre. Or, lui, c'était le théâtre, c'était la parole. Et maintenant, le cinéma est devenu parlant. Donc, je me lance, j'ai donné une pièce, je la superviserai. Et c'est le premier film de Rému, qui était une grande vedette du musical et du théâtre, mais qui n'avait jamais fait de cinéma. Il a donc le rôle principal, puisqu'il reprend le rôle qu'il a créé au théâtre, dans Le Blanc et le Noir. Et j'ai écrit, à la demande de Marc Allégret, je suis allé vous voir aussi dans vos petits sketchs du concert Mayol, car il chantait d'une part et d'autre part, il jouait des sketchs comiques. Un sketch notamment qui s'appelle Fibre molle fait des Freudaines, qui n'a rien d'Einstein, ni de Molière, mais qui était amusant, enfin bon. Et où il faisait beaucoup de grimaces, beaucoup d'effets drôles. Et il lui a écrit une petite scène qui est la scène du chasseur vierge. C'est quoi ce personnage? C'est une dame qui songe à tromper son mari avec le premier venu, qui lui a dit « Si tu continues à voyager comme tu le fais et à me laisser seul, je te tromperai avec le premier venu. » Et le premier venu, c'est un chasseur d'hôtel qui passe, c'est Fernandel, et elle se précipite sur lui, elle lui dit « Voulez-vous monter dans ma chambre ?» etc. Et tout. Et alors lui, il est très ennuyé, il dit « Mais madame, avec plaisir, mais vous m'expliquerez comment on fait ?» Bon, parce que c'est que il a 25 ans, mais il ne l'a jamais fait. Alors c'est une scène très brève, qui est drôle, on le voit à peine. Mais ce qui est amusant, c'est que ça réunit ces trois grands noms, ces trois immenses noms du spectacle. C'est le premier film de Sacha Guitry, enfin, d'après Sacha Guitry, puisqu'il l'a seulement supervisé, mais d'après une de ses œuvres, c'est le premier film de Rému et c'est le premier film de Fernandel. Le premier qui passera, du montant, le premier, même pas le second, le premier. Viens au concert. Mais je m'en fiche de ton concert. Mais je ne m'en fiche pas. Mais vas-y. Viens nous rejoindre. Quand on s'est vengé. Chasseur. Madame. Vous êtes souffrante, madame. Chasseur, Oh mon Dieu, voulez-vous que je revienne dans votre chambre, madame? Oui, c'est un demi. Venez dans ma chambre. Ah. Je vous plais? Oh oui. Quel âge avez-vous? 20 ans. C'est pas donné. Vous me montrerez, hein? Quoi? Comment il faut faire? Vous ne savez pas? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai eu la typhoïde, ça m'a mis en retard pour beaucoup de choses. Mais il est temps que je m'y mette. Vous n'aurez qu'à me faire voir une fois et après je saurai. Non, c'était tout à l'heure, allez-vous-en, c'était toi. Pourquoi? Mais allez-vous-en, je vous dis, vous en allez, allez-vous-en. C'est moi essayer. Oh, c'était pour les... Oh, vous me plaisez tellement, madame. Oh, c'était vous chasseur ou je vous fais chasser? Bien, madame. C'était un rôle de mime aussi, hein. Oui, oui, c'était un mime tout le long de sa vie. Ça, il faut le dire. Il avait cette agilité, cette souplesse sur scène, et cette souplesse d'ailleurs qui se traduisait. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que il avait une mobilité de physionomie et d'expression absolument extraordinaire. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il a très tôt pris conscience exactement du physique qu'il avait. Et qu'il l'a utilisé vraiment de façon professionnelle, comme tout ça, à fait, et qu'il a maîtrisé la chose. Tout très, à fait, très il bien, a su utiliser, je dirais par sa laideur, parce que c'est un mot beaucoup non, trop mot, gros oui. pour lui, mais enfin ce physique très particulier qu'il avait. Et alors il faut voir d'ailleurs ces diversités d'expressions. Enfin moi je me rappelle dans un film qui a eu un succès considérable en 1937, qui arrivait, je crois, en tête des entrées, qui était Ignace, ah oui. d'après l'opérette qu'il avait jouée. À un moment donné, je ne sais pas quoi, il a une altercation, il fait un troufion, un militaire, il a une altercation avec un supérieur, et il y a une succession de mimiques qu'il fait qui est absolument étourdissante. Étourdissante et toujours absolument en situation avec la réplique. Bois à clous, Ignace. Présent. Ah, pardon. C'est vous, Ignace, hein? C'est moi, oui. Et d'où venez-vous, là? Je suis chez mon sabre. Oui. Sabre. Ignace, bois à clous. C'est moi. Joli nom. Oh là là. Joli nom. Vous avez le fatal d'un foin, hein? Et 4 jours de boîte et 8 jours de clous. Hein? J'expliquerai pourquoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas Ignace. C'est un homme comme les autres, Ignace. Tout le monde va s'appeler César ou Napoléon, mon Dieu. Vous allez encore nous donner comme des imbéciles que vous êtes, là. C'est vrai, ça. Lorsque je suis né, mes parents s'étonnaient, firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me bat comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. J'aurais pu, attention, m'appeler sans prétention, machin, chose ou bien d'artampion. On n'a pas voulu, mais je suis convaincu d'avoir un nom qui est rudement beau. Mais en vérité, je le dis sans me flatter, ça me fait une personnalité. Ignace, Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, Ignace, il me vient tout droit de mes parents. Ignace, Ignace, il est beau et me va comme un gars. Je le trouve plein de grâce. Ignace, Ignace, je ne crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. Alors, on oublie qu'il a tourné avec tous les grands metteurs en scène français de l'époque, de Sacha Guitry, justement, effectivement, à Christian Jacques, en passant par Henri Verneuil, bien sûr Pagnol. Oui, tout à fait. Aussi, il a même tourné, disons, avec Renoir, puisque dans Purge bébé, il a un petit rôle. Il a tourné avec Duvivier, puisque le dernier sketch de Carnet de bal lui est réservé. Et vous savez, il tournait vraiment avec les plus magnifique. Grands. Il tournait avec les plus grands. Il y avait Jouvet, il y avait Fernandel, il y avait Rému, il y avait Pierre-Richard Wilm qui était au sommet de sa gloire, il y avait Marie Belle, donc Françoise Rosay, enfin c'était Pierre Blanchard. Oui. C'était le film de l'époque qui a eu un succès extraordinaire. ordinaire, et lui faisait un des prétendants de Maribel autrefois, puisqu'elle va à la recherche ses premiers danseurs. Elle les retrouve et elle n'a que des déceptions en définitive. Vous savez, c'était le fameux pessimisme de Duvivier. Et lui, bien ma foi, il était spécialiste des tours de cartes, il était devenu coiffeur dans une petite ville du Midi, il avait une famille nombreuse autour de lui, et il jouait ça avec c'était pas le meilleur sketch, mais il jouait ça avec une bonhomie, avec le sourire, et toujours cette espèce de parfum provençal autour de lui, et c'était très très joli ce qu'il faisait. Alors, est-ce qu'il y a une spécificité qu'on peut retrouver enfin dans les personnages qu'il incarne? Écoutez, il y a plusieurs directions, si vous voulez, dans sa carrière. En effet, nous avons évoqué là toute cette période de vaudeville militaire. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais c'était l'époque. C'était sa grande spécialité. Oui, puis c'est l'époque qui voulait ça. Vous savez, c'était l'époque. C'était, il faut bien le dire, l'entre-deux-guerres. Bon, le comique troupier, quoi. On ne pensait qu'aux casernes, aux comiques troupiers. Et on y échappait, justement, par le rire, par la dérision, si vous voulez. Et en même temps, je me suis toujours demandé si le succès qui était fait à ces sortes de films ne provenait pas du fait que, justement, beaucoup d'hommes, beaucoup de Français avaient fait leur temps de caserne, assez long d'ailleurs, et en avaient gardé quand même un bon souvenir. Et en allant au cinéma voir ces sortes de films, ben je pense qu'ils se rappelaient quand même les bons moments qu'ils avaient eus avec des copains à la caserne, et je dirais même mieux, des bons copains entre hommes. Alors bon, ils emmenaient bien leurs femmes voir ça, je sais pas si les femmes étaient tellement sensibles à ces films militaires, mais malgré tout, ça faisait partie des joies populaires. Oui, parce que le service militaire, en tout cas à l'époque, c'était la première vraie sortie de la famille, au fond. Absolument, c'était ça. Alors évidemment, il y a eu les Bleus de la Marine, le Cavalier la Fleur, les Guttes dégourdies de la 11e, tout ce qu'on veut, qui ne sont pas des farces très spirituelles, si vous voulez. Mais je pense par exemple aux Dégourdis de la 11e. Dégourdis de la 11e a été fait encore par Christian Jacques, qui a beaucoup, beaucoup soutenu la carrière de Fernandel. C'est un gros de vaudeville écrit par Moisiéon, mais qui a un rythme. Qui a un rythme et qui est défendu parce que, il faut dire une chose, que Fernandel a toujours aussi la chance d'être entouré par de très bons acteurs. Oui. Alors, vous avez dans Les Dégourdis de la 11e, à côté de lui, vous avez André Lefort, vous avez Saturnin Fabre, vous avez Pauline Carton. Effectivement. Vous savez, on ne peut pas faire un navet avec ça. C'est pas possible. Ils avaient tous leur personnalité, et quelle personnalité, alors qui s'ajoutait à celle de Fernandel, et ça arrivait à faire un film absolument crépitant. Jules ! Oh ! Jules, je veux bien continuer à te faire ton trou, ouais. Parce que j'ai pas le rang, et que je suis obligé de travailler. Mais je te fiche mon billet, que si tu étais riche, Baptistin, tu me ficherais pas ton billet. Ton billet, tu le planquerais. Creuse-moi un peu de ce côté-ci, là. Si j'étais riche, ouais. Je creuserais pas de ce côté-ci. Ah non. Non, je creuserais de ce côté-là. Ah. Et même, je creuserais pas du tout, avant que tu me dises ce que tu veux faire de ce trou. Je te l'ai déjà dit. Je l'ai pas cru. Tu es exactement, Baptistin, ce que disait ta mère quand tu étais petit. Elle disait, Baptistin, il n'est pas méfiant, il est bête. Ça fait 50 fois que je te répète que je fais une citerne américaine pour l'eau filtrée. Eh bien, qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Tu viens me foutre ici, toi? Je viens voir, tiens. Je ne mêle pas de tes affaires, je ne mêle pas des miennes, hein? Qu'est-ce que tu chantes? Je ne regarde même pas ton trou, je regarde mon journal et que je fais une marinière. Qu'est-ce que tu fais, Baptistin? Une citerne. Elle est bien petite. C'est vrai ça, Jules, elle est bien petite. Et puis, il en a déjà une. C'est vrai ça, Jules, tu en as déjà une. Demande-lui pourquoi il en fait deux. C'est vrai ça, Jules, pourquoi tu en fais deux? Et toi, Paul, quand tu as mis ta sœur à la porte parce que... Oui. Je suis pas venu te demander si ça faisait deux ou si ça faisait trois. Eh ben... J'étais sûr que tu viendrais. T'es bienvenu, toi. Bon, je travaille. C'est un silence... Une citerne. Eh, oui. Parce que si c'est un silence, il faut y donner un peu de pente. Oui, mais c'est une citerne. Oui, mais c'est ce que je dis. Une pente. Pourquoi si tu mets des betteraves, là, dans ton silence, ça fait du jus. Mais reburle, vous feriez mieux de vous occuper de ce qui se passe chez vous. Parce que votre fille, si vous la surveillez pas, elle va encore partir avec 4 ou 5 ans. Mais enfin, le comique dans le cinéma, à mon avis, si vous voulez avoir un film comique, ce qu'on appelle un film franchement drôle, il faut toujours penser d'abord à la vraisemblance de l'histoire et du personnage. Car un comique, quel qu'il soit, si le public ne croit pas à son personnage, il ne peut pas arriver à être drôle. On peut être drôle dans du burlesque, on peut être drôle dans quelque chose d'invraisemblable. Mais alors ce n'est plus le comique de cinéma. Car le cinéma, c'est la vie, et pour faire rire les gens, il faut autant que possible qu'on retrouve les personnages de la vie. Voilà ce qui a été toujours ma méthode et la ligne que j'ai suivie depuis que je fais du cinéma. Et en dehors du comique Fernandel, par exemple, que pensez-vous du comique Charlot ? Ah, ça c'est un génie, vous me posez la question la plus formidable qui n'est pas à poser, car Charlot est notre maître à tous, et tout ce que les comiques du monde entier ont fait, Charlot l'a fait avant nous. Nous sommes jamais que des pâles copies de ce grand génie. Vous comprenez, lorsque l'on fait du cinéma, c'était le cas du cinéma muet, on faisait rire avec des images. Avec le parlant, on a ajouté du dialogue. Au moins, il y aura de dialogue. Au plus, le film sera comique, à la condition que les images soient valables. Et vous continuez à faire du Fernandel pour notre bien à tous. Non, je continue à faire du cinéma. Un jour, Pagnol, qui avait entendu Fernaro café-concert, au théâtre, qui n'était pas un inconditionnel d'ailleurs, hein, il avait envie, pour jouer son personnage d'Angèle, il avait envie de Michel Simon. Et puis Michel Simon, qui était une grosse vedette à ce moment-là, beaucoup plus importante que Fernand, Simon a demandé trop cher. Alors il s'est retourné, comme les productions Pagnol à l'époque n'étaient pas très riches, je crois que c'est son frère, René, qui lui a dit « Écoute, il y a un comique qui est très bien, tu sais, qui en plus est marseillais, ce qui n'est pas le cas de Simon, c'est Fernandel. Oh, Fernandel, je trouve qu'il en fait un peu, qu'il montre ses dents, que c'est un peu gros. Tu devrais aller le voir. » Alors comme Pagnol était un monsieur qui avait un charme infini, je l'ai bien connu, il m'a fait son numéro comme il faisait à tout le monde, et c'est un de mes grands souvenirs, et tout à coup avec lui j'étais le premier talent du monde. Eh bien, il est allé voir Fernandel, il lui a fait le même numéro, et bien entendu, il n'a pas été question de Simon une seconde, et il lui a dit, tu as du génie, tu es formidable, tu es le personnage, je vais réécrire le rôle. Et c'est vrai d'ailleurs, il a réécrit un petit peu le rôle, qui au départ était beaucoup plus âgé, et il lui a distribué ce personnage, qui a fait découvrir aux spectateurs, tout d'un coup, une sensibilité extraordinaire chez Fernandel qu'on ne soupçonnait pas, et qu'il a même fait découvrir à Bagnol. Car au bout de très peu de temps, il a dit à son frère, oui, mais tu avais tout à fait raison, et finalement, il est mieux que n'aurait été Simon, qui pourtant, Dieu merci, était un immense comédien aussi. C'est pas grand, mais c'est joli. Et ton mari, il n'est pas ici? Il est à son bureau, peut-être. J'ai pas de mari. Hein? Non. Tu vois, Saturnin, j'ai pas de mari. J'ai un enfant. Alors cet enfant, il n'a pas de père? Il n'a pas de père. Oh, pour dire. Quelle nouvelle, hein? Alors? C'est une nouvelle, hein? Et où il est, celui qui l'a fait? Peut-être loin. C'était un marin du Nord, tout blond. Il ne parlait même pas français. Je crois que c'est le père, parce que mon petit lui ressemble. Et encore, je ne suis pas sûre qu'il lui ressemble à ce marin. Je l'ai si peu vu. Un soir, il passait là. Tu vois, Saturnin, voilà ce que je suis. Une fille des rues. Et alors, demoiselle, qu'est-ce que tu manges? Tu te souviens, Mérargue? Le café de Madame Lucien. Bien sûr, je me rappelle. Tu te souviens de Madame Lucien et ses servants? Oui. Tu sais ce qu'elle faisait pour gagner des sous? Non, demoiselle, ne dis pas des choses comme ça. Tu sais bien, surtout toi, c'est pas convenable. C'est ça ce que je fais, Saturnin. C'est ça, mon métier. Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais par malheur, tu fais. Alors, Pagnol, oui, c'est toujours le problème. On dit, oh, Pagnol, bon, oui, c'est un cas spécial du cinéma français, tout comme Sacha Guitry, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'était des écrivains. Bon, alors, c'était des écrivains. C'est justement ça qui est intéressant. Eh oui, eh oui. Alors, ils écrivaient, ils écrivaient des textes absolument merveilleux. Merveilleux à dire, je pense, pour les acteurs. Il y a un film de Pagnol qui s'appelle Naïs, qui est un peu moins connu que les autres. Absolument magnifique. Et où Fernandel fait un bossu. Oui. Bon. Et alors, il raconte à un moment donné une histoire très, très jolie, très sentimentale, très, très fleur bleue, où il parle de sa grand-mère qui voulait toujours lui éviter cette honte d'être bossu. Et il y a un texte qui est absolument, moi je trouve un texte sublime de Pagnol. Et Fernandel disait ça, et je défie les gens au cœur sensible de ne pas verser des larmes. Ah, oui, à la c'est fin le fameux texte où il disait que les bossus étaient au fond, voilà, avaient été touchés par l'aile des anges, voilà, ou quelque chose comme ça. C'est ça, absolument. Voilà. Oh, mais c'est absolument c'est remarquable. C'est une histoire d'ange, quoi. Absolument remarquable. Ah oui, c'est les anges qui ont replié leurs ailes dans leur bosse. Voilà, c'est très très beau. Oui, très très beau. Un texte merveilleux de Pagnol. Et c'est là qu'on s'aperçoit que Fernandel, outre ses qualités d'amuseur public numéro un, était un acteur qui savait montrer toutes les nuances d'un texte. Quand il a tourné justement Naïs de Pagnol, alors là, 10 ans après, juste après la guerre, il a ce rôle tout à fait bouleversant du petit bossu, et il a la fameuse séquence, très longue d'ailleurs, beaucoup de textes, où il parle de sa grand-mère, qu'il adorait. Eh bien, brusquement, Fernandel, qui était toujours extrêmement maître de lui, Fernandel s'est mis à pleurer en racontant son texte. Et les techniciens ont dit à Pagnol, qu'est-ce qu'on fait? On coupe. Et Pagnol dit, non, surtout pas, laissez, prenez comme ça, c'est formidable. Et donc, toute la séquence, Fernandel a une émotion extraordinaire. À la projection, tout le monde pleure. À la prise de vue, tous les techniciens pleuraient. Et dès que ça a été terminé, mais vraiment dans la seconde, il s'est arrêté, il a regardé les assistants qui avaient la larme à l'œil, il a éclaté de rire. Et je pense par exemple au Spoons justement, qui est un film qui décrit au fond une situation quasiment autobiographique de Fernandel, et en tout cas c'est un rôle qui lui va comme un gant. Et quand il parle de son rôle d'acteur comique, il est tragique dans le film. Oui, oui. Ça, oui, c'est oui. Extraordinaire. Donc, il joue vraiment sur... Il est très, très polymorphe, très polyphonique. Enfin, c'est un... Ah oui, mais tout à fait, tout à fait. Et il est certain que, d'ailleurs, ce Spoons, qui est, c'est vrai, et je ne le dis pas d'une manière péjorative non plus, qui est un film bavard. Et c'est un film où on parle beaucoup dans le Spoons. Mais c'est normal, si je puis dire. Il y a tout le début dans l'épicerie provençale, là, avec Charpin, avec Odette Roger, bon, tout ça, sont des gens bavards. Et puis, il fallait placer les personnages. Et ça, Pagnol savait remarquablement indiquer leur caractère. Et puis, ensuite, bon, ce brave, je me rappelle plus comment il s'appelle dans le Spoons, file donc à Paris en pensant qu'il va décrocher tout de suite la vedette. Et c'est là la grande astuce de Pagnol, c'est qu'il fait virer le personnage peu à peu, sous l'influence d'Oran de Mazy, d'ailleurs, qui est dans le film aussi, et que peu à peu, il se détache de ce côté ultra naïf, si vous voulez, qu'il avait au début, un peu jobard, un peu comme ça, pour finalement acquérir cette espèce de situation de vedette, et ça... Vous savez, ces retournements de situation ne sont pas une chose très très facile au cinéma. Il faut savoir évoluer sur une corde raide, et ça, il le faisait très très bien. 11h20, la scène d'amour. Ils sont en train de se foutre de moi. Mais il y a plusieurs façons de rire. Il y a aussi plusieurs façons de ne pas rire et d'avoir du chagrin. Et pourquoi en auriez-vous ? Demain, vous serez célèbre, demain, vous serez riche. À quoi bon ? Il m'arrive le malheur le plus ridicule. Ne pas atteindre son but, c'est grave. C'est une grande déception. Mais atteindre un but tout à fait opposé et réussir, pour ainsi dire, à l'envers, c'est la preuve la plus éclatante que l'on est un véritable idiot. Ce n'est pas vrai. On ne se connaît jamais soi-même. Écoutez, supposez qu'un ingénieur ait inventé un nouveau canon qui tire plus loin que les autres. Au premier essai, le canon tire par derrière. L'ingénieur qui surveillait le tir, plein d'espoir et de fierté, reçoit l'obus dans l'estomac. Il tombe et il meurt. Eh bien moi, mon canon tire à l'envers. Et je me sens plus triste que si j'étais mort. Votre succès va vous ressusciter. Et vous croyez que je vais accepter un succès de comique ? Ah non. Mais pourquoi ? Rire. Faire rire. Devenir un roi du rire. Oh, c'est moins effrayant que d'être guillotiné, mais c'est aussi infâme. Mais pourquoi ? Des gens vont dîner avec leur femme ou leur maîtresse, et vers les 9h du soir, ils se disent « Ah, maintenant qu'on est bien repu et qu'on a fait les choses sérieuses de la journée, où allons-nous trouver un spectacle qui ne nous fera pas penser, qui ne posera aucun problème et qui nous secouera un peu les boyaux afin de nous faciliter la digestion ?» Mais vous exagérez tout. Oh non, c'est même encore pire. Ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent voir un comique, mais c'est un homme qui leur permette de s'estimer davantage. Alors pour faire un comique, le maquilleur approfondira une ride. Il augmentera un petit défaut. Au lieu de corriger mon visage, au lieu d'essayer d'en faire un type d'homme supérieur, il le dégradera de son mieux avec tout son art. Et si alors, j'ai un grand succès de comique, cela voudra dire que dans toute la France, il ne se trouvera pas un homme qui ne puisse pas se dire « Ce soir, je suis content. » J'ai vu et j'ai montré à ma femme un homme plus bête et plus laid que moi. Il y a une espèce de gens auprès de qui je n'aurai aucun succès. Des gens instruits. Les professeurs, les médecins, les prêtres. Ceux-là, je ne les ferai pas rire. Parce qu'ils ont l'âme assez haute pour être émus de pitié. Allez, Françoise. Celui qui rit de notre homme, c'est qu'il se sent supérieur à lui. Celui qui fait rire tout le monde, c'est qu'il se montre inférieur à tous. Il se montre peut-être, mais il ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'acteur n'est pas l'homme. Vous avez déjà vu sur l'écran Charlot recevoir des coups de pied au derrière. Croyez-vous que dans la vie, M. Chaplin accepterait seulement une gifle ? Mais il en donnerait plutôt. Mais c'est un grand chef dans la vie, M. Chaplin. Alors, pourquoi s'abaisse-t-il à faire rire ? Ceux qui font rire sur la scène ou sur l'écran ne s'abaissent pas, bien au contraire. Faire rire ceux qui rentrent des champs avec leurs mains si dures qu'ils ne peuvent pas les fermer. Ceux qui sortent du bureau avec leur petite poitrine étroite qui ne savent plus le goût de l'air. Ceux qui reviennent de l'usine, la tête basse, les ongles cassés, avec de l'huile noire dans les coupures de leurs doigts. Mais faire rire ceux qui mourront, ceux qui ont perdu la mer ou qui la perdront. Et qui c'est cela ? Tous, ceux qui n'ont pas encore perdu la mer la perdront un jour. Celui qui leur fait oublier un instant les petites misères, la fatigue, l'inquiétude et la mort. Celui qui fait rire des êtres qui auraient tant de raisons de pleurer. Mais celui-là leur donne la force de vivre et on l'aime comme un bienfaiteur. Même si pour faire rire il s'habillent devant leurs yeux ? Mais s'il faut qu'il s'avilisse et s'il y consent, le mérite est encore plus grand, puisqu'il sacrifie son orgueil pour alléger nos souffrances. Mais on devrait dire Saint Molière. On pourrait dire Saint Charlot. Mais leur rire, c'est une espèce de convulsion absurde et vulgaire. Oh non, ne dites pas du mal de rire. Il n'existe pas dans la nature. Les bêtes ne rient pas. Les arbres ne rient pas. Les montagnes n'ont jamais ri. Les hommes seuls. Les hommes et les tout petits enfants, ceux qui ne savent pas encore parler. Le rire est une chose humaine. Il n'appartient qu'aux hommes. Et c'est une chose que Dieu leur a peut-être donnée pour les consoler d'être intelligents. Donc, parmi les grands films de Fernandel, lesquels est-ce que vous pouvez retenir de façon complètement subjective? Des grands films de Fernandel, il y en a quand même. Vous savez, il a tourné près de 150 films. Alors, enfin, on dit qu'il y a beaucoup de navets, etc., mais c'est faux, ça, en réalité. Oui, et puis alors, navets, qu'est-ce qu'on appelle navets? Voilà. Vous savez, le navet se transforme beaucoup au cours des âges. Mais le navet vieillit bien. le navet mûrit, si je puis dire. Et il est certain qu'à partir de l'écoulement d'un certain nombre d'années, on tombe dans la sociologie en se disant, mais c'était quand même étonnant, tiens, à cette époque, c'était ça qu'on aimait. Donc on voit le navet d'une façon différente. Oui. Et alors, dans ce genre, par exemple, parlons de ce genre dit navet qui n'en est pas. Moi, j'ai une préférence pour un film de Christian Jacques qui date de 1938, qui s'appelle Raphaël le Tatoué. Oui. Un film qui m'a toujours fait mourir de rire et continuera à me faire mourir de rire jusqu'à la fin de mes jours. Où, d'ailleurs, Christian Jacques, qui avait ses amis, Fernandel, il lui a fait tourner 6 ou 7 films à la suite, mais il avait un autre comique qu'il aimait beaucoup et qu'il savait très bien utiliser, qui était Armand Bernard. Mmh. Armand Bernard jouait les comiques un peu lugubres. Alors, ça fait donc l'opposition Fernandel-Armand Bernard est une opposition absolument détonnante dans ce film. Déjà, ça, je trouve ça tout à fait drôle. Et il joue dedans le rôle d'un veilleur de nuit, d'une usine dont Armand Bernard est le directeur. Et un jour, ayant envie de courir après une petite jeune fille, il sort de cette usine, il abandonne son poste et il va à un Luna Park. Et là, il se retrouve évidemment nez à nez avec son directeur, suivant la bonne tradition. Alors, il y a toute une poursuite dans le Luna Park et pour échapper au châtiment qu'il attend, il s'invente un frère qui est, comme il chante dans la chanson, un vrai, un dur, un tatoué. Et c'est donc ce fameux Raphaël qui est sorti de son imagination. Tout ça pour vous raconter que, par les détours du film, à un moment donné, il est obligé de se dédoubler. Il se dédouble et il joue une scène absolument extraordinaire au point de vue mime, où il se bat avec ce frère, alors que c'est la même personne. Il se bat derrière des tonneaux, il se renverse, il s'attrape à la gorge, etc. Et il fait ça avec une facilité, une virtuosité. Je crois qu'il était virtuose dans son genre, Fernandel, absolument. Alors, il a tourné avec qui, en fait? Eh bien, il a tourné, on a parlé de Renoir, mais enfin, Renoir, c'est une petite chose. Oui, il a tourné beaucoup avec Verneuil, Henri Verneuil. Bien sûr, oui. Oui, beaucoup avec Henri Verneuil. Ça n'a pas été peut-être les grands films de Verneuil, mais moi, il y a un film de lui, d'après un roman de Marcel Aimé tout à fait à la mode maintenant, qui s'appelle « La table aux crevés », et où Fernandel est extrêmement émouvant là-dedans. C'était la seconde partie, ou la troisième partie de sa carrière, où vraiment l'émotion prédominait. J'ai un peu parlé, Jeanne. Écoute, Victor, t'aimes bien, hein? Écoute-moi bien, Jeanne. Ton frère, je le tuerai devant le bois. C'est ton frère, je sais, je l'aime bien. Mais je veux lui faire sauter la tête. On le fera sauter la tête. Et à Rambarde aussi. À Rambarde aussi. À Rambarde d'abord. Hein, Jeanne, Rambarde. D'abord, non, Rambarde, après. Rambarde. Après, Rambarde. N'y va pas ce matin. À midi, j'irai chez nous. Je parlerai à Frédéric, à mon père. Tout s'arrangera. On partira plus loin. Tiens, à Blévent, si tu veux. Ou ailleurs. Où tu voudras. Dis. Tu vas me répondre, dis. Et puis j'en ai assez, moi, tu entends? Mon père décide, Frédéric décide, toi tu décides, Victor, Rambarde, tout le monde décide. Et tout ça pourquoi? Parce que vous savez vous servir d'un fusil. Et nous autres, on n'a que le droit de rester à la maison et de pleurer. Eh bien, tuez-vous et ne vous ratez pas. Et qu'il y ait des morts. Robin, n'y va pas. Dis-moi que tu n'iras pas. J'y vais pas, Jeanne. Et puis je vais te dire quelque chose que je ne devrais pas te dire. J'irai pas, parce que moi aussi, j'ai peur. Jeanne, va chez Victor. Dis-lui qu'il ne vienne pas me chercher. J'irai pas à la table crevée. Allez. J'y vais. Ah, Henri Verneuil, 1951, La Table aux Crevés, avec donc Fernandel, Andrex, Delmont, Fernand Sardou, Maria Mauban. En 52, Le Fruit défendu, Fernandel, Raymond Pellegrin, Pierrette Bruno. Ensuite, en 53, donc L'ennemi public numéro 1, avec un scénario de Favalelli. Et puis, évidemment, Fernandel. Ensuite, Le Mouton à cinq pattes, où Fernandel tient six rôles, mais ça, c'est en 54. Le Grand Chef en 58, avec notamment Troya comme scénariste. Et puis, évidemment, bon, La Vache et le Prisonnier en 59, film que tout le monde connaît, avec des dialogues de Janson et de Jean Mance. Alors, donc, à part une interruption de 3 ans, un film par an avec lui en pratiquement 10 ans, et vous l'employez à toutes sortes de rôles complètement divers. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quel était l'acteur Fernandel ? Vaste question. Comment il se comportait sur un plateau, Fernandel ? Comment il travaillait les rôles avec vous ? C'était un homme qui jouait d'instinct, il était drôle dans la vie et il continuait à être drôle à l'écran. C'est-à-dire que, contrairement à tous les comiques que j'ai connus, et au bout de 45 ans, on en a connu quelques-uns, en général, ils sont tristes et sinistres dans la vie, peut-être pour essayer de s'excuser, de faire les pitres ou de faire les clowns dans leur métier. Alors dès qu'on les invite quelque part et qu'ils ne sont plus en représentation, je veux dire en train de faire leur métier, ils deviennent, mais alors, des académiciens de l'Académie française, voyez-vous, peut-être pour rattraper ça. Ça n'était pas le cas de Fernandel. Fernandel était plus drôle encore dans la vie que dans les films, parce que dans la vie, c'est lui qui faisait son texte. Et il le jouait et il se mettait en scène. Et il était très, très drôle. Enfin, vous ne l'avez pas employé que dans des rôles drôles, par exemple dans Le Fruit défendu. Je l'ai employé surtout parce que par goût, et c'est un peu pour ça, après La Vache et le Prisonnier, qu'on s'est séparés, je ne me sentais pas bien dans les films comiques, que j'appelle comiques 100%. C'est pour ça que Le Fruit défendu, La Table aux Crevés, La Vache et le Prisonnier sont des comédies, mais des comédies dramatiques. Tout à fait. Alors, nous avons toujours, dans les 7 films que nous avons faits, nous sommes sortis un peu des films franchement comiques qu'il faisait. Alors comment est-ce qu'il se comportait ? Comment est-ce qu'il vous preniez contact avec lui ? Vous savez, d'abord, tout le monde se comporte de la même façon. Enfin, au départ, on vient sur un plateau pour tourner. Bon, à l'heure, il a toujours été à l'heure. Et il avait une assurance fantastique. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'il était, à l'époque, la plus grande star, non seulement française, mais d'Europe. Ah oui. J'ai été avec Fernandel pour la présentation des films à l'étranger, et quand on passait sur la 5e avenue à New York, en général, je me suis trouvé avec d'autres stars. Les gens se penchent un petit peu à l'oreille du voisin et ils doivent dire, tiens, c'est Jean Gabin, ou tiens, c'est... Là, les gens s'arrêtent. Et le deuxième mouvement, c'est le visage qui se détend, le bonheur. C'est-à-dire que M. Fernandel représentait le marchand de bonheur. C'est bizarre et étrange pour un homme qui n'a pas vraiment fait de carrière internationale, finalement. Il était connu dans le monde entier. Ouais. Il a fait une carrière française, mais très projetée à l'étranger, et une star internationale. Alors, est-ce que le metteur en scène peut dire que cette réputation était à la hauteur, vraiment, du travail de l'acteur ? Oui. Oui, parce qu'il avait à la fois une... D'abord, il pouvait faire pleurer et rire, ce qui est très rare, quand même. Et ça s'est très bien passé. Très, très bien. Et je garde... Moi, ça a été mes rapports avec lui. Pendant ces 7 films, ça a été 7 ans de bonheur. Jésus, il est sur la liste, il se présente, il veut être député. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire, Don Camillo ? Extraordinaire ? Pépone député. Pourquoi pas ministre ? Qu'est-ce que vous diriez si moi je me faisais porter sur la liste pour devenir évêque ? ça serait bien étrange. Mais pour Pépone, le cas est différent. Il fera peut-être un excellent député. Excellent. Ce loup sanguinaire prêt à dévorer vos brebis. Oh, Seigneur, vous rendez pas compte, vous. Vous êtes là-haut, vous. Vous planez. Tant qu'à mieux. Pardon, Seigneur. C'est leur faute. C'est leur mensonge qui me mettent hors de moi. Vous savez combien je déteste le mensonge. Quoi? Je n'ai rien dit, donc, Camille. Je croyais. Pardon. Quand on voit des mensonges pareils, ça vous fait bouillir le sang. Vous ne m'avez jamais surpris en train de mentir, hein? Ou de tromper mes semblables. Ce front indépendant est un faux. Et ton billet, donc, Camille? Mon billet? Mais... quel billet? Le billet de 5 000 que tu as donné à Pépone. Est-ce qu'il n'était pas faux, lui aussi? Vous croyez, Seigneur? Je le sais bien, donc, Camille. Je l'avais oublié. Par distraction. Après tout, j'ai payé de la fausseté avec de la fausse monnaie, nous sommes quittes. Et la bonne monnaie que Pépone t'a rendue, les 4 975 livres, qu'est-ce que tu en as fait? Je préfère les accepter comme contribution volontaire du Front indépendant de la paix, pour l'amélioration de la soupe des vieillards. Au moins, tout ce bruit aura servi à quelque chose. Vous les entendez, Seigneur? Vous les entendez, c'est pas possible. Dieu ne le permettra pas, ils ne passeront pas. Que la volonté de Don Camillo soit faite. La vôtre, Seigneur. La vôtre, pas la mienne. Oui, alors, eh ben, si, il y a un metteur en scène important dont on a parlé tout à l'heure pour Carnet de bal, c'est Duvivier. Duvivier a quand même fait tourner Fernandel dans une comédie mi-noire, mi-policière, mi-humoristique qui s'appelle L'homme à l'imperméable. Ah. Et il a surtout fait choisi Fernandel pour Le petit monde de Don Camillo, qui était vraiment un des grands succès de Fernandel. Oui, alors ça, c'était vraiment le grand succès populaire. Enfin, c'est le grand succès populaire, ça avait ses dangers, parce que finalement, vous savez, c'est toujours pareil. On tourne Le petit monde de Don Camillo, et ensuite, on veut des suites à Don Camillo. Alors, il y a le retour de Don Camillo, il y a la grande bagarre de Don Camillo, et il y aurait même eu Don Camillo les contestataires si la maladie n'était pas venue et avait empêché de terminer le film. C'est pas ce que je préfère, moi, personnellement. Non, hein, non, c'est pas non plus ce qu'on préfère. Mais c'est ce qu'on retient. Alors, c'est un problème parce que la série des Don Camillo a beaucoup marqué dans le souvenir. Oui, enfin, oui, tout à fait. Au fond, c'est ce qu'on a retenu le plus de oui, ça... bizarrement. Puis ce fait de voir Fernandel dans un rôle de prêtre, et dans un rôle de prêtre qui n'était pas d'ailleurs foncièrement bouffon, non, là, les Don Camillo, il y avait toujours l'opposition avec le maire Pépone, oui. Et de plus quand même, c'était Duvivier qui filmait ça, donc on avait quand même une garantie de qualité du film. Mais vous avez également toujours Duvivier. Duvivier a finalement pas mal fait tourner Fernandel. Il avait fait un film, un sketch qui s'appelle Le diable et les 10 commandements. Et Fernandel avait un sketch là-dedans. Et dans ce sketch, il représentait Dieu. Après avoir représenté un prêtre, il représentait Dieu. Ça se passait à la campagne, chez des gens qui étaient malades, enfin une femme était malade, et on implorait le ciel, qu'un miracle leur soit accordé, et on frappe à la porte et quelqu'un se présente et dit « je suis Dieu ». Bon, alors le plus fort, c'est qu'en effet, la femme réchappe de la maladie. Et on apprend à la fin que c'était un échappé d'un asile voisin, un fou, qui se prenait pour Dieu, qui était venu. Et c'est Fernandel qui jouait encore ce rôle. C'est ordinaire de jouer Dieu, quand même. C'était tout à fait extraordinaire. C'était un rôle, oui, c'était un rôle. À quoi était-il arrivé? Il devait se dire, de Ignace à Barnabé à jouer maintenant Dieu, ça, c'est quelque chose. Oui, c'est tous les noms de l'acteur, en fait. Et oui. Je suis parti dans la carrière, j'ai créé un personnage. Je ne veux pas dire par là que j'ai créé un personnage comme le génial Chaplin, qui lui a créé un personnage unique, qui a été toute sa carrière et qui était une chose extraordinaire. Et nous sommes tout ou jamais que des satellites en comparaison de Charlie Chaplin. Mais je parle que moi, lorsque j'ai commencé au cinéma, j'ai toujours fait des hommes bons, des hommes au grand cœur, avec de l'humanité, même dans mes films comiques, mes films vaudevillesques. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais commis une mauvaise action. Or, le public vient en confiance et en fidélité sur mon nom pour dire « Fernandel est un brave type ». Or, ce brave type que j'ai incarné depuis le début de ma carrière, je tiens à le conserver jusqu'à la fin. Jacques Henrich, dans un de vos romans, vous racontez une rencontre entre Bataille et Fernandel. Alors, est-ce que c'est une pure fiction ou est-ce que c'est un élément de vérité? Est-ce que ça repose sur une véritable rencontre? Alors, dans le roman, la scène est imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, Bataille n'a jamais rencontré Fernandel. Alors pourquoi est-ce que j'ai inventé cette scène? Eh bien, tout de même parce qu'il y a au départ une chose vraie que je vais donc vous raconter. Mes sources, c'est des souvenirs d'un écrivain qui est un petit peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait, parce qu'il est mort, Henri-François Rey, qui est un auteur qui a eu un certain succès dans les années 60. Il avait publié un roman qui s'appelait Les pianos mécaniques et qui avait eu, je crois, un prix littéraire. Enfin, ça avait été un best-seller à l'époque. Et alors, Henri-François Rey raconte que pendant l'occupation, pendant la guerre en 1943, il était très lié avec Georges Bataille. Et comme beaucoup d'écrivains à l'époque, ils avaient des problèmes financiers. Bataille, à l'époque, vivait dans un grand dénuement. Il était assez pauvre. Alors, Henri-François Rey avait des contacts avec le monde du cinéma. Il avait déjà fait quelques essais de scénario. Bon. Et puis, il avait dit à Bataille, est-ce que vous n'auriez pas une idée d'un film à faire? Et alors, Bataille s'est excité un petit peu là-dessus. Et puis surtout, l'idée peut-être de gagner de l'argent. Il y avait quelque chose d'un petit peu naïf comme ça chez Bataille. Il pensait qu'il allait pouvoir, en effet, faire un film grand public, qui aurait beaucoup de succès. Et puis, c'est la chose curieuse, Bataille avait une admiration. Il était fou de Fernandel. Et alors son idée, dès le début, ça a été de dire, ben voilà, pour faire un film populaire, il faut prendre cet acteur. Il faut faire un film avec Fernandel, il faut faire un film pour Fernandel. Alors, comment faire? Un jour, Henri-François Rey lui raconte qu'il avait reçu une lettre d'un ami à lui, qui était un poète, un peu opiomane, qui était d'ailleurs noble, je crois, il devait être comte. Il habitait dans une espèce de tour qui se trouvait dans la banlieue de Marseille. Et ça a été le déclic. Bataille s'est dit, mais voilà l'idée, il faut prendre ce personnage de ce poète opiomane, et puis il faut mettre Fernandel dans ce rôle. Bon, alors après, il a fallu évidemment essayer d'inventer une histoire. Et c'est là donc où Bataille a commencé à rédiger un synopsis qui était à peu près l'histoire suivante. Donc, vivait dans une banlieue de Marseille. Alors, ça n'était plus un comte dans le scénario, mais c'était une sorte de bourgeois, un notable, quelqu'un de grande moralité, qui participait à des associations de bienfaisance, enfin, un bourgeois dont il avait fait d'ailleurs, un fabricant de savon de Marseille, donc qui devait être joué par Fernandel. Et alors, ce personnage, eh bien, avait une particularité, une singularité, c'est que quand sa famille était partie en vacances, eh bien, il se déguisait en marquis de Sade. aller dans les quartiers malfamés de Marseille et, avec des prostituées, reconstituer des scènes des 120 journées. Bon. Et puis un jour, une des prostituées, ça tourne mal, est tuée par ce bourgeois. L'histoire est découverte, l'histoire ensuite est étouffée, et pour que le film quand même soit un film populaire et moral, eh bien, le fameux bourgeois, le fabricant de savon de Marseille, se suicidait. Voilà quel était donc le film qu'avait écrit, car le scénario a été écrit à la fois par Henri-François et par Bataille, et il a été montré à un producteur. Je n'ai pas besoin de vous dire que le producteur, quand il a lu ça, a failli s'étrangler, il est devenu apoplectique. Et le scénario a été envoyé à Fernandel. Mais Fernandel n'a jamais répondu. Malheureusement, ce scénario a disparu. C'est bien dommage parce que quand même, on serait assez intéressé de le lire. Probable qu'il soit dans les papiers de la famille, alors ? Je sais pas. Je sais pas. J'espère qu'un jour, on le retrouvera. Je crois que ce qui serait intéressant de voir, c'est sur quoi reposer, en fait, l'admiration de Bataille pour Fernandel. Moi, je dois dire que c'est une chose qui m'a un peu rassuré, parce que j'ai une passion pour Fernandel. Je vivais ça de façon un petit peu coupable, en me disant vraiment, je dois être un peu débile, parce que n'importe quelle croûte de Fernandel, moi, de toute façon, je regarde parce que je trouve le personnage absolument, le comédien absolument génial. Et quand j'ai appris que quelqu'un comme Bataille, qui est un être si raffiné, espèce de métaphysicien, enfin bon, et d'homme sulfureux, qui a écrit les livres que l'on sait sur l'érotisme, était aussi passionné de Bataille, ça m'a beaucoup déculpabilisé. De Fernandel. Et je crois qu'en fait, il devait avoir une fascination parce que Fernandel aussi représentait du point de vue sexuel quelque chose qui le fascinait. Ce côté cheval, chevalin, enfin, ça devait être une sorte de symbole sexuel très fort. Et je pense que ça, l'admiration et la passion de Bataille pour Fernandel probablement venaient de là. Alors c'est intéressant parce qu'au fond, il est toujours plus ou moins montré, Fernandel, dans ses rôles. Comme quelqu'un de... Je n'allais pas dire dans le ratage sexuel, parce que ce n'est pas exactement ça. Mais plutôt comme... enfin, disons, pas comme un foudre sexuel, justement. Comme le personnage second sur le plan sexuel. C'est toujours, il y a toujours un jeune premier, ou souvent un jeune premier, qui vient lui voler la femme qu'il aime, par exemple. Hein. Et là, c'est exactement l'inverse. Ah oui, ben je crois que c'est ça qui était intéressant dans l'idée de Bataille, c'est de prendre exactement le contre-pied et de montrer au contraire un Fernandel qui aurait été une véritable bête sexuelle. Et maintenant, mesdames, messieurs, je vais vous chanter, parce que j'ai un peu de voix aussi, une petite chanson de ma composition qui met en relief les deux faces de mon petit talent. Sans musique ? Oh, monsieur, moi, vous savez, quand je chante, l'orchestre, je l'entends. Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la dame est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à berbe. Le gros la maigre, la maigre le gras. Le doucereux adore la femme à serbe. Quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour ces mets, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Approuvez-vous tous ces chats de gouttière qui pour l'amour se courent après en miaulant? Si on faisait comme eux des heures entières, on trouverait que c'est trop fatigant. Et pour les chiens, croyez-vous que c'est bizarre, même dans la rue, sous le nez des passants? Pour le taureau, c'est encore plus barbare. C'est un peu vache, je vous le dis en passant. Taureau, la vache, le chat, le chien. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours. On y revient toujours. Je n'ai jamais compris. Il l'expliquait lui-même, il a dit « D'abord, j'étais l'ami des enfants. » Alors, en étant l'ami des enfants, je faisais venir à moi, non seulement les enfants, mais les parents, et les grands-parents, et toute la famille. Et il y avait en lui un don de sympathie, qui était un don prodigieux. On pouvait d'ailleurs ne pas y être immédiatement sensible. Moi, c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui trouvaient Ferrandel absolument imbuvable, grimacier, sans intérêt. Par contre, j'ai aussi rencontré des gens qui, après avoir trouvé Ferrandel grimacier, imbuvable et sans intérêt, se sont donné la peine d'aller voir ses grandes réalisations et ont changé d'avis. Bon, on peut citer deux grands noms qui sont des noms célèbres. Truffaut, d'abord. Et puis Jean-Jacques Gauthier, qui a été un des plus grands critiques des années 50. Truffaut aimait Ferrandel. Et Truffaut a dit, dans Ali Baba, je crois que c'est à propos d'Ali Baba, il dit, il y a là une technique d'acteur qui est tellement merveilleuse, tellement achevée, tellement au point, qu'on peut peut-être ne pas adhérer totalement au personnage, mais qu'il faut s'incliner, et il force l'admiration. Pourtant, Ferrandel lui-même détestait la Nouvelle Vague. Oui, je crois qu'à ce moment-là, Truffaut n'était pas vraiment Nouvelle Vague, il était d'abord critique, il n'avait pas encore fait ses preuves de metteur en scène. Je crois que Ferrandel avait une dent contre Godard particulièrement, il disait du mal de Godard tout le temps, chaque fois qu'il pouvait. Et puis il lui est arrivé de tourner des films avec Jean-Pierre Mocky, dont il n'a pas été satisfait. C'est vrai que d'ailleurs que son film n'était pas un chef-d'œuvre, mais il avait aussi des goûts bon bien à lui, et il n'était pas toujours conscient de ce qu'il faisait. Je sais que pour L'Auberge Rouge, qui est un chef-d'œuvre incontestable et incontesté, autant Lara, Ferrandel s'est imaginé à l'époque qu'il avait tourné justement un film de Nouvelle Vague et qu'il a fait une scène à Autant Lara à la fin du tournage en lui disant « Allez, c'est fini, les films d'avant-garde, c'est terminé pour moi, Autant, plus jamais, vous ne m'aurez plus, etc. » Tout simplement parce que le film avait une connotation un petit peu sarcastique à l'égard de l'Église et que les sentiments religieux de Ferrandel étaient très profonds et qu'il n'admettait pas qu'on y touche et que peut-être il n'avait pas très très bien compris tous les prolongements à la lecture du scénario. Il était une fois, dans une petite ville d'Orient, un brave homme qui s'appelait Ali Baba. Ali Baba, Ali, Ali Baba. Ali, Ali, Ali Baba, de la mosquée à la Casbah. Quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Toujours content, jamais pressé, je n'ai qu'à me laisser pousser. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mec tout bas, Inch'Allah. Ah, Ali Baba, Ali, Ali, Ali, Ali Baba. Ah, Ali Baba, Ali, Ali, Ali, Ali. Ba, ba, ba, ba, ba. Est-ce que vous pensez qu'en jouant justement beaucoup plus, disons, dans le registre comique que dans le registre, disons, dramatique, tragique, est-ce que vous pensez que, je dirais pas qu'il a raté sa carrière, c'est trop, c'est bête parce que c'est un homme qui a une réussite éclatante, mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas été justement piégé par cette image qu'il avait dans le public, justement? Oui, moi je pense qu'il a été piégé un peu par cette image, mais enfin cette image lui était un peu dictée, surtout quand il était assez jeune, par son physique. Hein. Il y a son physique qui a quand même beaucoup contribué à ça. Oui. Vous savez que les années passant, il disait volontiers, mais maintenant d'ailleurs ma voix a évolué, j'ai une voix beaucoup plus grave et j'ai embelli. Il disait, en effet, ce qui était vrai. Dit. Oui, oui. Et il avait pris une allure beaucoup plus grave, en définitive, c'est vrai, que dans les turlupinades du début, ça c'est sûr. Il avait cette figure, moi, il me fait penser, c'est un peu bête ce que je vais vous dire là, mais il me fait penser aux statues de l'île de Pâques. Vous savez, ces grandes figures-là, assez sévères, tout en longueur. Et inquiétante. Et alors, il s'est engagé vraiment sur cette voie. Il a continué de jouer des rôles comiques parce que je pense que le public aurait été très triste de ne plus retrouver le Fernandel qu'il aimait. Mais il s'est orienté beaucoup, de plus en plus. Il a fait des films qui ont moyennement marché. Il parlait toujours d'un film de Denis de la Patellière qu'il avait tourné, qui s'appelle « Le voyage du père », où il espérait beaucoup. C'était vraiment un film triste, désenchanté, qui n'a eu aucun succès. Et c'était une forte déception pour lui. Ce qui n'a pas empêché ensuite de faire des films en demi-teinte. La vache et le prisonnier, par exemple. Oui. C'est un film qui a un succès considérable, qui aura toujours un succès considérable. Et je pense parce que il y a ce côté, c'est un peu fou de dire ça, de ces liens affectueux qui se tissent entre cet homme et cet animal tout au long du film. Et ce qui explique pourquoi le dernier film aussi de Fernandel a été Heureux qui comme Ulysse, où il se promenait avec un cheval qui voulait absolument sauver de l'abattoir aussi. Alors, ce côté extrêmement bon pour l'animal, parce que je pense que une des caractéristiques de Fernandel dans tous ses films, c'était la bonté. En définitive, c'était un être foncièrement bon. Oui, vous parliez, vous aviez prononcé un mot qui était intéressant, qui était le mot inquiétant. Oui, il était inquiétant par certains côtés, mais je ne vois pas, je vois qu'un film où il avait un personnage vraiment très ambigu et un peu désagréable, c'est Regain de Pagnol. Ah oui. Où là, il est assez méchant. Hein, oui, alors dire. Ça, c'est un rôle cruel. Un rôle cruel, oui. Mais je crois à peu près que c'est le seul, comme il a toujours refusé, d'ailleurs, de mourir dans un film. Il a refusé, oui. Alors, il disait, là, véritablement, parce qu'il parlait quand même, mon public. Hein, j'avais mon public, donc il n'aurait pas accepté de me voir mourir dans un film. Ah, c'est probablement vrai, d'ailleurs. Et c'est sans doute... Oui, il y avait tellement une image profondément imprimée que, en effet, il reculait là-devant. Et alors, tu t'endors? Oh, tu marches plus? Tu veux pas que je te porte le sac, quand même, non? Quoique pas cher, hein. Il n'est pas lourd, hein. Le patron, il pourra pas dire que je suis parti de chez lui plus riche que quand j'y suis entré. Tiens, tu vois cette ville, là-bas, hein? C'est Cavaillon. La place du marché. Tu te rappelles, hein? On va s'y arrêter pour boire l'apéritif, hein? Garçon! Un 51 pour moi et un seau d'eau pour monsieur. Minéral? Non, naturel. Avec une petite goutte de grenadine. Il adore le doux. De Provence que je te parlais à Cavaillon. Ben, c'est ici. Eh ben, ça me fait connaître des choses, hein. Je t'aurais bien amené jusque là-bas, mais qu'est-ce que tu veux? C'est trop loin pour nous, ça, hein, oui. Oh! On va passer la nuit par ici, là. Et puis alors, à la fin de sa vie, Heureux qui comme Ulysse, qui est un film qui a été complètement, totalement méprisé à l'époque, comme d'ailleurs avant Le Voyage du Père, qui est un film dramatique, très noir, d'un pauvre homme qui va à Lyon à la recherche d'une fille disparue et dont on s'apercevra plus tard qu'elle est devenue péripatéticienne et qui ne retrouvera jamais. et avec Terzieff, d'ailleurs, ça faisait un, ça, voilà un duo extraordinaire. On n'imagine pas aujourd'hui Laurent Terzieff, bon, qui vient d'avoir les Molières et qui est un acteur dramatique extrêmement prisé, moderne. On n'imagine pas le couple qu'il pouvait former en 68 ou 67 avec Monsieur Fernandel. Eh bien, il faudrait revoir ce film pour se rendre compte à quel point Fernandel s'intégrait tout à fait au monde de Terzieff, tout à fait à ce monde dramatique. Il était bouleversant. Et alors, Heureux qui comme Ulysse, qui est la fin de sa carrière et qui pour moi est un signe du destin fabuleux, puisqu'il m'a dit, à moi et aux autres, j'ai toujours eu ma carrière sous le signe du cheval, je suis le comique au sourire chevalin. Eh bien, le destin a voulu qu'il finisse sa carrière en sauvant un cheval, c'est l'histoire du film. Et vraiment, Fernandel s'endormant à côté de ce compagnon dont on a fait le symbole de son existence, c'est quelque chose de bouleversant. Le film de Colpi est merveilleux, c'est un hommage à la Provence, c'est tendre, on retrouve des références perpétuelles à Daudet, à Pagnol. On a vraiment le sentiment que quelque part, quelqu'un s'est dit, ce sera le dernier film de Fernandel, ce sera la conclusion de sa carrière. Et là, ça l'a été, et personne ne le croyait, personne ne pensait à ce moment-là qu'il disparaîtrait à 68 ans. Moi, c'est un film que je peux pas voir sans pleurer. Henri Verneuil, donc voilà, 20 ans que Fernandel est mort. Il y a énormément de choses autour de son nom. Vous avez tourné, vous, avec les plus grands acteurs. Comment est-ce que vous évaluez aujourd'hui ce qu'a été l'acteur Fernandel, au fond, par rapport à tout ce que vous connaissez de la diversité des jeux? Il représente une époque. Il faut reconnaître qu'il est une époque. C'est-à-dire que je suis sûr qu'aujourd'hui, Fernandel serait avec nous. Il continuerait à tourner, qu'il ne jouerait pas comme il jouait à l'époque. Il se serait parfaitement inséré dans la nouvelle façon de jouer. Il aurait pris le bon tournant pour sa carrière, quoi. C'était un acrobate d'une qualité exceptionnelle. Mais voilà, il nous a quittés. Je l'ai vu, c'était à la veille de commencer un film avec Belmondo et Omar Sharif qui s'appelait Le Casse. Je partais pour la Grèce. Je suis allé le voir, avenue Foch, chez lui. Et il m'a reçu, lui qui était tout le temps debout, en train de servir à boire. Et là, il m'a reçu avec une couverture sur les genoux. Sa fille, Josette, m'a fait signe de loin pour me faire comprendre qu'il ne pouvait pas se lever. Et je lui ai dit, Fernand, je finis Le Casse, c'est trop bête, on s'est arrêté après La Vache et le Prisonnier. Et nous allons faire un très grand film ensemble, en oubliant tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en essayant. Et il était dans. J'ai vu l'enthousiasme sur son visage. Il m'a tendu la main, il m'a dit, c'est un contrat? Je lui ai dit, c'est plus qu'un contrat, c'est une promesse. Je suis parti en Grèce. Puis 4 jours après, sur les marches de l'hôtel Hilton, on m'a dit Fernandel est mort. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a fait. Avoir vécu 10 ans avec cet homme qui était la joie de vivre, qui avait déridé le monde entier, car je vous disais au début de cet entretien, les gens s'arrêtaient. Et les visages s'épanouissait, c'était ça Fernandel, c'était pas « Oh, regarde Fernandel », c'était l'éclat de rire dès qu'on le voyait. Je lui disais « Fernand, on vous a encore reconnu ?»« Eh ouais !» il me dit « Eh ouais, tu crois que je n'ai pas vu ?» Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 mars 1991.